podcast Par nos voix. Je suis Marwa et vous allez m'accompagner tout au long de cette aventure à la rencontre de femmes maghrébines qui ont changé les choses. J'espère que vous êtes prêtes. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Fatima Kemilat, donc chercheuse qui réalise une thèse intitulée « La résistible représentation des musulmanes et des musulmans en France » du CFCM aux Assises territoriales de l'islam. Bonjour Fatima. Bonjour. Alors justement, en suivant ton parcours, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la recherche? Comment est née en fait cette envie pour toi de faire de la recherche? Alors c'est une question que je trouve personnellement très intéressante parce que j'aime beaucoup savoir qu'est-ce qui a amené, que ce soit des artistes, des informaticiennes, des chanteuses, des chercheuses, à faire ce qu'elles font. Mais je dois dire que me concernant, ça a toujours été assez évident, la recherche. Je savais que j'avais envie de contribuer à la compréhension et au changement des choses. Mais plus que ça, très souvent, par exemple, vous venez de citer, tu viens de citer mes différents domaines de recherche, et je dois dire que ces derniers sont liés à des intérêts personnels, enfin des formes d'intérêt, des sources d'intéressement personnel. Et du coup, vu que je m'y intéresse, j'y passe du temps, je fais de la recherche, et après je partage ces recherches. Donc mes recherches sont souvent d'abord justifiées par un besoin personnel de comprendre, en fait. Et je dis souvent que moi, la sociologie, elle a révolutionné ma vie dans le sens où elle m'a permise de comprendre les mécanismes, en fait, de domination à l'œuvre, très nombreux mécanismes de domination, et à l'œuvre en premier lieu dans ma vie, en fait. Le racisme, le sexisme, l'islamophobie et toutes ces questions-là, du coup, eh bien, elles ont fait sens dans ma vie. Et puis ensuite, j'ai décidé de rechercher ce que ça voulait dire, et ensuite j'ai décidé de partager ces recherches. Donc le mouvement et la volonté de faire de la recherche, elle est d'abord venue d'une demande personnelle de réponse, en fait. Très bien. Et justement, ton sujet de thèse est assez précis. Ton sujet de thèse concerne la représentation des musulmanes et des musulmans. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Comment est-ce que tu es venue justement à traiter ce sujet Oui, bien sûr. Alors, c'est une thèse assez costaud, hein. Ça fait 7 ans que je suis dessus. Elle porte donc, comme tu l'as très bien rappelé, sur la représentation des musulmans en France avec une perspective historique. Exactement de la même manière que mes centres d'intérêt dans la recherche et dans la vie, mon sujet de thèse est d'abord venu d'un mouvement et d'un questionnement intérieur. Je pense que oui, c'est à partir des années de 2010 et le fait d'avoir vu un certain nombre de controverses autour de l'islam, notamment la controverse autour des prières de rue, devenir des controverses médiatiques. Eh bien, lorsque j'allumais ma télé, lorsque j'ouvrais, alors moi, j'ai jamais ouvert un journal papier, mais en tout cas, lorsque j'ouvrais une page web de la presse nationale, j'ai jamais vu, ou en tout cas à l'époque, je n'avais jamais lu quelqu'un qui portait un point de vue qui correspondait au mien. Un point de vue différent, en fait, de celui qu'on pouvait entendre mainstream, généralement très simpliste et aussi très islamophobe et très sexiste. Et donc, du coup, face à cette incurie, face à ce désert de la représentation de ma voix, et de la représentation des voix autour de moi aussi, parce que mon vécu, en tant que femme qui a grandi dans une famille de confession musulmane, je ne retrouvais pas non plus les voix des gens qui m'entouraient, en fait. Et du coup, devant ce défaut de représentation, devant ce défaut d'existence politique, sociale, culturelle aussi, eh bien, je me suis dit, plutôt que d'attendre que quelqu'un fasse ce travail de représentation et fasse ce travail d'étude de la représentation, je vais le faire moi-même. Et du coup, je me suis intéressée à qui, en fait, représentaient les musulmans et les musulmanes en France, en partant d'un premier postulat, c'est que beaucoup de musulmans et de musulmanes ne se sentaient pas représentés. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre ces mécanismes. Est-ce qu'ils ne sont vraiment pas représentés ou est-ce qu'ils le sont? Et si oui, par qui et comment et est-ce qu'il y a des formes de représentativité, de représentation, de légitimité qui sont considérées comme admissibles et acceptables par les populations musulmanes, des personnes qui s'expriment en leur nom à la télévision. Donc voilà, c'est vraiment venu de ce désir de se voir, de s'entendre, d'exister socialement, que j'ai pu constater des populations musulmanes qui m'entouraient et de moi-même d'ailleurs, qui m'a poussée à travailler sur ce sujet de recherche. Et justement, de ce sujet de recherche, qu'est-ce que tu en as tiré? Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, de la représentation des musulmans aujourd'hui en France? Oui, bien sûr. Alors, pour être très succincte, je pars d'un postulat. Et le postulat, c'est très peu de musulmans et de musulmanes se sentent représentés aujourd'hui en France. Donc ça, c'est le premier postulat. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui explique ces mécanismes et qui s'exprime? Eh bien, il y a des autorités, alors est-ce qu'on peut appeler ça des autorités, en tout cas des organisations à prétention représentative qui se sont constituées ou en tout cas qui des ébauches qui ont essayé d'émerger ou qui ont plus ou moins émergé depuis la fin des années 80. Donc, en l'occurrence, depuis 89, avec du coup le CORIF, le Conseil de réflexion de l'islam de France, de l'islam en France, d'ailleurs c'est important comme nuance, même s'il y a eu quelques petites tentatives avortées avant, cette tentative du CORIF lancée par l'ancien premier ministre ministre de l'Intérieur de l'époque qui était Pierre Joxe, eh bien a lancé un peu, ça a un peu été le début d'une longue histoire, la naissance de ce qui deviendra un serpent de mer de l'action publique en France, c'est-à-dire quelque chose qui revient de manière très récurrente, cette question-là de la représentation des musulmans. Et puis, il y a eu d'autres tentatives, mais sans revenir dans les détails, la plus connue, c'est le Conseil français du culte musulman, son émergence en 2003, par le président de l'époque, qui était Nicolas Sarkozy, qui n'était pas le président, mais le ministre de l'Intérieur, qui a lancé un peu ce projet, qu'il n'a pas lancé, mais en tout cas qu'il a porté, et qui, par la suite, participera en fait à son institutionnalisation. Le fait est qu'aujourd'hui, qui s'exprime sur l'islam de France et qui s'exprime sur la question des musulmans et des musulmanes en France, eh bien, c'est souvent pas des musulmans, en fait. C'est même quasi majoritairement pas des musulmans, en fait. Et en l'occurrence, on a soit des experts, dont les chercheurs et des chercheuses, on a aussi des journalistes, on a aussi des personnes qui se revendiquent comme étant des intellectuels publics et qui vont venir s'exprimer sur la question. Et puis, on a des personnes d'autres religions, en fait, on a des politiques, on a beaucoup de gens, sauf les musulmans et les musulmanes elles-mêmes. Et ne serait-ce que pour faire écho à ton podcast qui s'appelle Par nos voix, c'est vrai que c'est assez frappant de voir qu'en matière d'islam, c'est assez peu souvent les voix des musulmans et des musulmanes qui s'expriment pour parler d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, et par elles-mêmes et pour elles-mêmes et eux-mêmes. Et donc voilà, il y a une surreprésentation des personnes non musulmanes qui parlent de ces questions-là et qui sont considérées comme beaucoup plus légitimes d'ailleurs que les musulmans et les musulmanes elles-mêmes. Et quand on a des musulmans qui s'expriment, eh bien, ce sont essentiellement des musulmans d'institutions officielles, comme le Conseil français du culte musulman ou d'autres personnes qui ne font pas forcément partie du CFCM ou plus ou moins loin, comme l'imam Hassan Chalroumi ou d'autres comme ça, figures publiques. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ce soit le CFCM ou que ce soit les autres figures musulmanes publiques, elles ont une légitimité politique médiatique, mais elles n'ont pas ou très peu de légitimité au sein des personnalités musulmanes. Et ça pose la question de qu'est-ce que ça veut dire représenter, et quand on représente, qui on représente, et quels sont les mécanismes de légitimation qui permettent à des personnes, à des organisations, à des populations, de se dire représentantes. Et j'étudie aussi, du coup, ces mécanismes de légitimation, et aujourd'hui, il est clair que ces mécanismes, par exemple, le CFCM, n'est pas élu au suffrage direct. On aurait pu imaginer que les musulmans et les musulmanes se rendent aux urnes, diurne et votent pour leur organisme, ou que l'ensemble des associations reconnues comme d'intérêt ou de culture musulmane eh bien, organisent des votes parmi leurs adhérents. Donc, du coup, d'avoir cette légitimité du suffrage et cette légitimité du nombre, ce n'est pas la méthode qui a été retenue. La méthode aujourd'hui qui est assez drôle en soi, si elle n'était pas tragique quelque part et dramaturgique, c'est le fait qu'aujourd'hui, on élit les personnes qui font partie du CFCM hein, en fonction du nombre de mètres carrés des mosquées qui elles-mêmes vont voter en fait. Donc, si vous êtes une mosquée, que vous avez tant de mètres carrés, vous allez avoir le droit à tant de délégués, et ces délégués vont avoir le droit de voter pour telle ou telle liste. Du coup, cette méthode, elle est déjà complètement biaisée, cette méthode de mètres carrés, qui fait qu'en fait, c'est que les mosquées qui sont représentées, alors que, et pas toutes d'ailleurs, toutes les mosquées ne sont pas affiliées au CFCM, on compte à peu près la moitié qui le sont. Et donc, c'est un mécanisme un peu paradoxal où on fait voter des murs, on fait voter des lieux de culte et on ne fait pas voter d'autres associations, sachant que tous les musulmans et toutes les musulmanes ne fréquentent pas des mosquées, ou en tout cas, ils peuvent fréquenter des mosquées et toutes ces mosquées ne participent pas au processus. Donc, il y a énormément de biais. Donc, la légitimité, elle ne se fait pas par le nombre,